لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour ses serviteurs toutes sortes d'obéissances et de rapprochements. Et il nous ordonne et a ordonné aux communautés avant nous des adorations qui nous rapprochent de notre Seigneur et qui nous rapprochent également de ses créatures. Et parmi ces adorations, il y a le bon comportement avec lequel la balance sera lourde le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y aura pas une balance plus lourde dans la balance en croyant le jour de la résurrection que le bon comportement. Et le bon comportement élève en degré et rajoute les bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes le croyant atteint avec le bon comportement le degré de celui qui jeûne et qui prie la nuit. La récompense du bon comportement est multipliée, même si cela est insignifiant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne délève rien du bon comportement, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Et la meilleure des personnes est le croyant qui pratique le bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et le bon comportement est l'action qui fait le plus entrer les gens au paradis. On questionna justement le prophète alayhi salatu wa sallam sur ce qui fait le plus entrer les gens au paradis. Il répondit, la crainte d'Allah et le bon comportement. Et avec le bon comportement, la foi de la personne sera complète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les croyants qui ont la foi la plus parfaite, ce sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et celui qui aura le plus haut degré au paradis, c'est celui qui aura le meilleur comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis garant d'une maison dans le plus haut degré du paradis pour celui qui a un bon comportement. Rawahu Abu Daoud. Wa ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, la religion, c'est le bon comportement. Et celui qui a un meilleur comportement que toi est mieux que toi dans la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit son Seigneur pendant la prière, pour atteindre ce bon comportement et l'idée, Allahumma ihdini li ahsani al-akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha, la yasrif anni sayyi'aha illa ant. C'est-à-dire, au Seigneur, guide-moi au bon comportement, ne guide vers le bon comportement que toi, et écarte-moi du mauvais comportement, en écarte que toi, Allah muslim. وابن رجب رحمه الله إذا لكرت الله سبحانه وتعالى بصراط مبلغ qu'avec le bon comportement. Et sachez que les gens qui seront le plus proches du prophète et des messagers le jour de la résurrection sont ceux qui ont le meilleur comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux que j'aime le plus parmi vous et qui seront appris le plus près de moi le jour de la résurrection sont ceux qui auront le meilleur comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait ses compagnons à avoir un bon comportement. Il disait à Mu'adh radiallahu anhu, crée Allah où que tu sois, fais suivre les mauvaises actions par des bonnes, celles-ci les effaceront, et comporte-toi bien avec les gens. Et le bon comportement sauve du châtiment de l'enfer par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, crains le feu, c'est-à-dire écarte-toi du feu ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date en aumône. Et si tu n'as pas, alors avec une bonne parole, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a envoyé pour inviter au bon comportement. Il dit, j'ai été envoyé pour parachever le bon comportement, rawahu al-Ahmad. Et les messagers ont appliqué le bon comportement. Et le plus glorieux, Nuh alayhi salatu wa sallam a invité son peuple à croire en Allah subhanahu wa ta'ala pendant 950 ans, sans relâche et en endurant leurs désagréments. Et la patience et l'endurance font partie du bon comportement. Et Ibrahim alayhi salam était généreux. Quand les anges sont venus à lui sous forme d'êtres humains, il les invita généreusement et leur cuisina un propos. Et la générosité fait également partie du bon comportement. Et Ismaïl alayhi salam tenait ses engagements et ceci fait partie du bon comportement. Et Yusuf alayhi salam a dit à ceux qui furent la cause de son éloignement et de son emprisonnement, c'est-à-dire cette cause, c'était ses frères, il leur dit, parle de l'élimination qu'on trouve aujourd'hui, et le fait de pardonner fait partie du bon comportement. Moussa al-Islam était pudique, et il ne montrait aucune des parties de son corps, alors qu'à son époque, son peuple, eux, se lavaient tous ensemble et étaient nus. Quand ils se lavaient, et la pudeur fait partie du bon comportement. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure créature qui a eu le meilleur comportement. Et les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont toutes en phrase. Allah azza wa jalla dit, tu as fait un comportement éminent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vécut toute sa vie en appliquant justement ce bon comportement et en s'écartant du mauvais le plus loin possible. Un homme dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam en interpellant, oh la miséricorde. Cet homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en interpellant, oh la meilleure des créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit avec humilité. Il lui dit, celui dont tu parles, c'est Ibrahim, Allah Muslim. Et il était la personne la plus généreuse. Et il n'a jamais refusé une chose à quelqu'un qui lui demande. Il avait le visage épanoui et toujours souriant. Jalil radiallahu anhu a dit, chaque fois que le prophète le voyait, il souriait. Il tenait toujours ses engagements et donnait le plein droit à chaque personne. Si un compagnon tombait malade, il le visitait. Et s'il ne le voyait pas, ou s'il ne voyait pas une personne ou un de ses compagnons, il demandait de ses nouvelles. Il raccourcissait, sallallahu alayhi wa sallam, la prière quand il entendait les pleurs des nourrissons. Et tout cela par miséricorde pour sa mère. Il avait le caractère plus doux, alayhi salatu wa sallam. Quand il rentrait chez lui, il aidait ses épouses. Et il était endurant et avait une patience extrême. Il sortait un jour de chez lui et une pierre était attachée à son ventre. Tellement il avait faim, mais il ne s'est jamais plaint, alayhi salatu wa sallam. Il était le plus pardonneur. Ses ennemis l'ont combattu, ils l'ont blessé, ils ont tué ses compagnons. Mais quand il entra victorieux à la mer, il leur pardonna et leur dit, partez, vous êtes libres. Il était le plus compatissant. Son peuple lui opposait du tort et lui lançait des pierres. À Paris, on lui lança des pierres. Les enfants lui lancèrent des pierres. Et l'ange des montagnes lui dit qu'il n'attendait que son autorisation pour renverser sur eux les deux montagnes qui entouraient la ville de Paris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa. Et il dit à Aïcha radhiyallahu anha, sois douce et compatissante et ne sois pas sévère et indécente. Rawahu Bukhari wa Muslim. Et il n'a jamais frappé de sa main ni une femme, ni un servant. Rawahu Bukhari wa Muslim. Et c'est ce chemin droit et ce comportement exemplaire que les compagnons Ali, radhiyallahu alayhim, ont pris. Ils avaient un comportement noble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Urwa radhiyallahu anhu a dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelait une chose, on y accourait, et s'ils parlaient, on baissait la voix, et on ne le déviait pas du regard, on ne le regardait pas dans les yeux, pas de respect pour lui, alayhi salatu wassalam, rawahu al-Bukhari. Wa Amr ibn As radiallahu anhu a dit, je n'ai pas aimé une personne plus que le prophète, aucune personne que lui n'était plus précieuse à mes yeux, je ne pouvais pas remplir mes yeux de son image par respect pour lui, c'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas le regarder dans les yeux, tellement il respectait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, si on me demande de le décrire, je ne pourrais pas. Et les compagnons étaient des exemples dans le bon comportement et se respecter les uns des autres. Les uns les autres. Omar radiallahu anhu a dit d'Abu Bakr en parlant d'Abu Bakr, il est plus doux que moi. Uthman radiallahu anhu, même les anges avaient honte de lui parce qu'il était pudique. Et sachez que la personne ne pourra jamais s'élever à un rang honorable si ce n'est avec sa douceur et son bon comportement. Et la base du bon comportement, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui ne vous parle que exclusivement à Allah azza wa jal, celui-là, le bon comportement ne lui sera d'aucune utilité et il ne lui sera pas bénéfique. Aïcha radiallahu anha a dit au prophète, en parlant de Mujad'an, qui était un des chefs de Quraysh, elle lui dit, Ibn Jad'an ne rompait pas les liens de parenté. Il ne rompait pas les liens de parenté et donnait à manger aux pauvres. Est-ce que cela lui sera bénéfique malgré qu'il n'ait pas appliqué l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne pouvait pas le culte exclusif à Allah azza wa jal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ces actes ne lui seront d'aucune utilité. Il n'a jamais dit un jour au Seigneur, pardonne-moi mes erreurs le jour de la résurrection, Allah Muslim. Et si la personne se comporte bien et applique le Coran, ceci améliorera sa communauté. Elle sera prise pour exemple dans le bon comportement. Et sachez aussi que le comportement du musulman doit être droit dans sa religion. gentillesse avec douceur, pardon avec bienfaisance, générosité dans l'adoration, satisfaction et être satisfait dans la pauvreté, aide dans la difficulté, parole douce, se passer le salam et bienfaisance avec la famille et les voisins. Abdul Mubarak a dit, rahimahullah, le bon comportement c'est d'avoir le visage réjoui, faire le bien et se retenir de faire le mal. Allah subhanahu wa ta'ala a partagé entre ses serviteurs le comportement comme il a partagé la subsistance. Et le comportement et le Coran, et le Coran englobe tout le bon comportement et les meilleures œuvres. Aïcha radiallahu anha a dit et fut questionnée sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle répondit, son comportement était le Coran, c'est-à-dire qu'il appliquait entièrement le Coran, alayhi salatu wa sallam. Prenez exemple sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivez le chemin de ses compagnons généreux. Soyez également un exemple pour les autres dans votre comportement. Vous atteindrez la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Thumma alamin, inna Allah amarakum bi amrin. بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أصلح أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واجعل ما أصابهم سببا لرضوانك عنهم يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون